Disons-le tout de suite, la fouille gauloise que le magazine d'archéologie de France Culture évoque ce soir représente plus de 30 ans de recherche. C'est l'œuvre d'une vie. Et cela valait bien la peine, puisque loin d'être une fermette perdue dans la langue bretonne, c'est une exceptionnelle résidence de la noblesse gauloise que mon invité a mise au jour. Saint-Symphorien à Paule, dans les Côtes d'Armor, nous en avions parlé il y a très très longtemps. Mais aujourd'hui, sa publication vient enfin de voir le jour sous la forme d'un énorme ouvrage destiné à la communauté des chercheurs travaillant sur l'Europe celtique. Yves Ménez, bonsoir. Bonsoir. Archéologue, proto-historien, mais aussi ingénieur, vous êtes aujourd'hui le conservateur régional de l'archéologie de la DRAC Bretagne. Merci d'être ce soir en direct dans les studios de France Culture. Vous publiez aujourd'hui un énorme ouvrage aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, le numéro 112 des documents d'archéologie française. Un aboutissement bien sûr, celui d'une étude exhaustive, car pour vous, il y avait nécessité de tout fouiller. Alors pas nécessairement de tout fouiller, puisque en fait c'est un site qui au départ, on pensait qu'il allait faire 1,5 hectare à peu près. On en a fouillé 5 hectares et en fait, il s'avère que le site s'étend sur une superficie de 10 hectares. Donc on en a fouillé une grosse moitié. La nécessité de tout fouiller, non. Par contre, la nécessité de fouiller suffisamment longtemps pour tout comprendre sur ce site qui pour le moment est sans équivalent en Gaule, oui. Je disais que c'était 30 ans de recherche, c'est pas 30 ans de fouilles, c'est des années de fouilles et des années d'études ensuite. Oui, c'est une vingtaine d'années de fouilles et une dizaine d'années d'études qui ont mobilisé en fait sur le terrain un peu plus de 300 fouilleurs en totalité et qui ont nécessité l'apport de 24 spécialistes en fait pour étudier l'ensemble des données. Au début, c'était une fouille d'urgence, une fouille ce qu'on appelle préventive aujourd'hui. Puis ensuite, c'est parti dans une sorte de vaste programme de recherche, c'est ça ? Tout à fait. Donc au départ, c'est un tracé routier du département qui traversait le site de part en part, qui a été étudié sous la direction de Claude Lepotier, qui actuellement est directeur interrégional de l'INRAP Grand Ouest. Les recherches se sont ensuite poursuivies par Jean-Charles Aramon pendant 2 ans. Qui est aussi de l'INRAP et qui travaille maintenant au service régional de l'archéologie de Bretagne. Et j'ai pris la suite des recherches puisque les deux précédents titulaires ne pouvaient pas continuer. Je pensais prendre quelques années, en fait ça m'a pris 17 ans en tout. Et donc les recherches ont été financées en partenariat par le département des Côtes d'Armor et l'État pour un montant total de 860 000 euros. Saint-Symphorien, Paule, ça se trouve bien sûr dans les Côtes d'Armor, mais ça se trouve où exactement ? Au milieu de nulle part, loin de la mer en tout cas. Alors dites pas aux Bretons que c'est nulle part, c'est au milieu de la Bretagne. Donc c'est à la jonction en fait des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan. On est vraiment en plein cœur de la Bretagne, dans les points les plus éloignés de la mer, sur un peu le château d'eau de la Bretagne, c'est-à-dire c'est la région où il pleut le plus en Bretagne, donc et avec des rivières en fait qui s'écoulent dans l'Atlantique, dans la façade sud de l'Atlantique ou ouest de l'Atlantique, en fonction du versant où elle se situe. Qu'est-ce qui dans le paysage de Paule pouvait laisser supposer la présence d'un tel complexe gaulois, Yves Ménez ? Un rempart, le seul subsistant, donc en fait un rempart conservé uniquement sur 160 mètres de long, qui avait résisté au remembrement des années 1968, qui signalait une enceinte, mais comme la plupart des enceintes, enfin comme beaucoup de petites enceintes en fait en France, non datées. Dans la carte archéologique du service à l'époque, elle était présumée médiévale. Dans certains inventaires, on y mentionnait des monnaies romaines. Mais en fait, il était impossible de la dater. Il a fallu attendre les premiers sondages préalablement au tracé routier pour tout de suite, dès la première journée, se rendre compte qu'il s'agissait d'un site gaulois. Et dès le XVIIe siècle, les érudits locaux se penchent sur ce lieu. La tradition orale a-t-elle laissé quelques bribes d'histoire ? Oui, la tradition orale mentionne, alors on a le compte de démolition d'une chapelle située en contrebas, au niveau des sources de Saint-Symphorien, une chapelle qui, les fouilles l'ont montré, remontait au Moyen-Âge, et qui mentionne en fait que sa chapelle se situe sous un ancien château dénommé Castel Audic. Donc c'était le nom du site au XVIIe siècle, et qui s'est transformé en camp de Saint-Symphorien, puisque actuellement le lieu-dit le plus proche est le lieu-dit Saint-Symphorien. Alors, dès la première campagne, vous commencez à trouver des choses très très intéressantes, notamment des amphores, c'est ça ? Oui, dès le premier jour de sondage, en fait, on a eu une quantité d'amphores assez étonnante pour la Bretagne, puisqu'on est quand même une région très éloignée de l'Italie romaine, en plus très éloignée des côtes. Et donc, dès le premier jour de sondage, je me souviens, on avait une cinquantaine de tessons d'amphore dans un seau. Pour quelqu'un de Toulouse ou de Bibrac, c'est pas grand-chose. Pour la Bretagne et pour un habitat breton, c'est généralement ce qu'on trouve en fouillant la totalité du site sur un hectare. Donc ça signalait déjà un site très particulier. Et après, dès la première opération de fouille, en fait, la découverte d'une sculpture a montré qu'on était sur un site sans équivalent, pour le moment, connu en Bretagne. Ces amphores, elles ont un rôle capital dans la culture celtique. Alors elles ont un rôle au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est en fait ça veut dire que les personnes sur Pôle consomment du vin en abondance, donc en fait ont des moyens financiers assez considérables puisqu'il fallait l'amener depuis la côte tyrrhénienne, donc depuis la façade ouest de l'Italie romaine. Saint-Symphorien, nous le savons désormais, c'est à peu près 6 siècles d'occupation sans aucune interruption. Oui, alors le cas n'est pas si fréquent en Gaule. Et pourtant, il n'est pas si rare en Bretagne. La fouille de Pouersurance que j'avais menée avait déjà montré une occupation semblable pour un établissement beaucoup plus modeste, occupé pendant 6 siècles. La fouille que Daniel Tanguy a menée également sur le site d'Inguignal a montré la même chose. En fait, dans beaucoup d'autres régions de Gaule, on a des occupations en fait du 6e, 5e siècle. On a souvent une phase d'interruption ou de difficulté au 4e siècle. Et ensuite, la plupart des habitats gaulois en Gaule qui sont actuellement fouillés s'étendent sur les 3e, 2e et 1er siècle avant notre ère. En Bretagne, les habitats résistent à ce que j'appellerais la crise, alors petite crise climatique du 4e siècle, et donc perdurent pendant effectivement près de 6 siècles. Et vous, vous y voyez donc 6 siècles d'une même famille, d'un même lignage ? On n'a pas les textes. Oui, je sais bien, j'essaie d'aller un peu. On n'a pas les testaments, on n'a pas l'héritage, donc on ne pourra jamais le prouver. Par contre, l'habitat est sans cesse, alors quelles que soient les évolutions architecturales de l'habitat, il est sans cesse reconstruit au même emplacement, avec la maison pratiquement au même endroit. Donc tout démontre une continuité dans la structuration du site. Il n'y a jamais, malgré parfois des travaux importants ou des phases dont on parlera plus tard, en fait, il y a une volonté de continuité, de faire en sorte que cette demeure soit immémorielle. Et donc ça signe a priori une volonté de continuité. Alors après, comment se faisait la succession sur le site? Comme pour tous les habitats gaulois, on n'a pas les textes, c'est extrêmement difficile de le savoir. Par contre, les règles testamentaires doivent être très fortes, puisqu'en fait, on s'aperçoit de continuité de site sur des siècles et des siècles. Donc un seul individu, quoi. Un seul individu, alors en chef de famille très vraisemblablement. Après, dans le mode de transmission, est-ce que c'est de père en fils, est-ce que c'est de père à neveu, enfin de d'oncle à neveu. Là, on n'a pas les règles de succession. Par contre, les règles testamentaires chez les Gaulois, comme les filles sont dotées, on peut penser que les terres étaient un héritage transmis aux hommes prioritairement. Yves Ménez, pourquoi au tournant des 6e, 5e siècles, vers 550 avant notre ère, ce vaste établissement rural est-il fondé à Pôle? Les conditions climatiques, techniques, sont-elles favorables pour cette nouvelle implantation? Alors oui, on a du climatique. En fait, dès le 6e siècle, on a une amélioration du climat. 6e et 5e siècle, c'est une période d'optimum climatique qui voit en fait se développer à Pôle, mais aussi sur l'ensemble de la région, la naissance d'habitats par centaines qui prennent possession, enfin s'installent de manière durable avec des infrastructures lourdes, donc s'installent pour des siècles, en fait, au moins 2 ou 3 siècles, dans des lieux bien adaptés, alors généralement sur des hauteurs, chez nous, sur des petits plateaux ou des versants bordant des ruisseaux avec des accès faciles à l'eau. Et avec un espacement entre les habitats à cette époque-là qui est encore assez important, de l'ordre du kilomètre à peu près. Mais on a un phénomène majeur d'évolution dans le rapport à la terre. C'est-à-dire qu'auparavant, on a l'impression d'avoir des habitats beaucoup plus mobiles. Donc les terres sont exploitées depuis longtemps, depuis le néolithique. Mais on a des habitats plus mobiles qui sont occupés pour autant qu'on puisse en juger d'après le mobilier qu'on trouve, de l'ordre d'une génération, et qui se déplacent sur le territoire lorsque les terres situées à proximité immédiate sont trop épuisées. Manifestement, à l'âge du fer, en fait, on a un rapport à la terre qui change, avec une amélioration climatique, amélioration de l'outillage aussi, puisque on a production du fer en Bretagne, comme dans tout le nord de la France depuis le 6e siècle. Donc c'est aussi à cette époque-là que l'outillage en fer se développe, beaucoup plus performant. Et on a certainement en fait un phénomène de fumure, d'amendement des terres, qui permet en fait de les bonifier au lieu de les épuiser. L'habitat de Paul, en fait, se choisit un territoire qui n'est pas mauvais. Il s'implante sur la crête. Sur la crête, les terrains agricoles sont pas très bons. C'est du gras armoricain avec des couvertures assez superficielles, mais pour habiter, c'est pas gênant. Par contre, les terres en contrebas sont des bonnes terres colluvionnées sur lesquelles les cultures et l'élevage ont pu se développer. Il y a des sources pérennes immédiatement à proximité et surtout, on se situe au carrefour de voies majeures. Donc, c'est un établissement agricole qui est très bien desservi par le réseau routier existant. Justement, le site est implanté au bord d'une route. Aujourd'hui, la départementale numéro 3. C'est étonnant, cette structuration du paysage vieux de 2500 ans et perdurant encore de nos jours. C'est pas si étonnant que ça. On a longtemps attribué en fait les voies majeures aux Romains. Et en fait, il s'avère que les tracés routiers, Paul en est un, mais la déviation de Quimper aussi, la rectification de la déviation de Saint-Brieuc également. En fait, assez régulièrement en Bretagne, les tracés routiers ont livré des sites gaulois d'importance. Et c'est pas tout à fait un hasard, c'est que ces sites étaient implantés le long des voies gauloises. Dans les années 70, quand on traçait du routier, on entaillait les montagnes, on faisait des grands ponts, on faisait des très grosses infrastructures. Plus ça va pour des raisons économiques, en fait, plus on adopte un tracé topographiquement le moins cher. Et assez régulièrement, en fait, on reprend les tracés des voies anciennes. Ces tracés nous livrent régulièrement des habitats d'importance. C'est parce que ces voies, en fait, étaient en usage dès l'époque gauloise. Et même depuis qu'on les a zonées, on le sait, dès l'âge du bronze. Celle qui longe le site de Paul, en fait, est jalonnée de nécropoles tumulaires de l'âge du bronze tous les kilomètres. Regardons le premier état de cette résidence. Il s'agit d'une vaste ferme avec enclos, fossés et talus. Vous avez aussi mis au jour toute une série de souterrains, une pratique courante à cette époque en Bretagne, mais une sorte de spécificité bretonne. Oui, les Bretons sont toujours un petit peu spécifiques, en même temps ils rentrent dans la norme. La première ferme de Paul, enfin le premier établissement ou la première résidence, appelons-la comme ça, fait 1,5 hectare, 1 hectare pour la partie résidentielle, 5000 mètres carrés en fait pour un enclos probablement pour le bétail immédiatement accolé au site, une maison de 400 mètres carrés et effectivement des dépendances multiples qui sont très soigneusement organisées le long de la clôture. Alors nous avons une cave et une citerne sous la maison elle-même, des souterrains. 3 souterrains sous la maison et 1 juste à côté, des surfaces qui sont ventilées par des soupiraux et dont les accès sont extrêmement planqués, enfin cachés. C'est-à-dire qu'il faut parfois se glisser sous la paroi de la maison en fait pour pénétrer dans le souterrain. Qu'est-ce qu'on y cache là-dedans ? Alors on y cache essentiellement des denrées. L'essentiel c'est de passer l'hiver. L'essentiel c'est d'avoir de la nourriture en abondance. C'est aussi une marque de statut à cette époque-là pour les personnages importants de la société. Il faut avoir de la nourriture en abondance. Donc Paul étonne par la grandeur, enfin l'ampleur de ces souterrains qui sont creusés comme des boyaux sous la terre. Par 1, 2 ou 3 équipes à partir de puits creusés dans le sol. Ce sont des ouvrages pas très profonds, hein. Ce sont des, au maximum, ils font 15, 20 mètres de long et ils sont situés à 40, entre 40 cm et 80 cm sous les sols. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Yves Ménez, parmi les monuments, vous avez aussi deux menhirs, on devrait dire des stèles de granit, qui sont caractéristiques de cette époque et liées au monde funéraire. Tout à fait. Alors ça, ce sont beaucoup les recherches d'Anne Villard-Letièque qui l'ont montré. Donc, à côté de ces établissements agricoles, qu'ils soient grands ou petits, on a le plus souvent des cimetières, donc des petites nécropoles familiales qui habitent une quinzaine, une vingtaine de sépultures. Et ces lieux étaient alors architecturés vraiment par des enclos délimités par des palissades ou des talus. À l'intérieur, généralement, les sépultures les plus anciennes du 6e siècle sont le plus souvent des inhumations. Et au 5e siècle, très rapidement, en fait, on passe au rite de l'incinération. Ce sont très vraisemblablement des membres de la famille qui y sont enterrés. Nous avons des grandes stèles assez imposantes qui sont soit sous des grosses boules de granit, soit des colonnes qui peuvent être sculptées, qui marquent en fait les architectures de ces nécropoles et souvent des petites stèles plus petites, donc des petites boules de pierre en fait qui marquent les emplacements des sépultures. Vers 300 avant notre ère, on décide de tout casser pour ériger un nouveau projet, une résidence monumentale. Tout à fait. Donc là, on bascule dans un autre monde pour l'ensemble des établissements agricoles. Et Paul a très vite pris le pli. Donc en fait, il a profité d'un nouvel optimum climatique pour relancer l'habitat. Ce qui étonne, c'est pas la superficie du site, puisqu'en fait, elle est à peu près similaire au site précédent. Donc on passe d'une forme très ovalaire à 2 enclos quadrangulaires. Donc un côté très bipartite. Le premier enclos, qui est résidentiel, étonne par sa monumentalité. Au lieu d'être délimité par un simple fossé et bordé d'un talus, on a un petit rempart à parois verticales. Et quatre entrées qui sont dominées par des tours portières, deux tours d'angle. Donc là, on est vraiment dans un dispositif qui, pour le moment, est sans équivalent connu dans la région ou même plus largement en France. Et il y a une avant-cour. Donc en fait, toutes les dépendances sont placées dans l'avant-cour. Donc tous les dépendants vivent dans l'avant-cour qui est délimitée par un simple fossé bordé d'un talus. Comment dénommer un tel ensemble architectural ? Vous le désignez en tant que résidence, peut-être parce que la notion de manoir possède une connotation trop médiévale, mais malgré tout, on est à peu près dans ce registre. On est dans cet esprit-là. Après, je voudrais pas heurter les médiévistes ni heurter les personnes intéressées par la civilisation gauloise. On n'est pas dans les mêmes sociétés que celles du Moyen-Âge. Par contre, assez clairement, le site prend la forme, je dirais, d'une maison forte. C'est-à-dire qu'elle est en capacité de résister contre du brigandage, contre des attaques de petites troupes, certainement pas contre des troupes militaires. Et il y a surtout un souci de monumentalité, de mise en scène des espaces qui affirme clairement, en fait, la puissance de la famille qui possédait ce site. Justement, les propriétaires marquent leur champ social en s'installant derrière des murs. Mais qui sont ces aristocrates ? Des nobles ? Des cavaliers celtiques ? Les fameux equites, pour reprendre un terme romain très fréquent dans la guerre des Gaules ? Alors ce sont certainement des aristocrates, donc ça je l'ai montré dans la deuxième partie de la thèse, mais en fait les deux classes d'hommes qui comptent selon César et qui sont considérés en Gaule, ce sont les druides et les équites, effectivement. Donc on est dans ces catégories-là très certainement, par une accumulation de signes architecturaux, mais aussi dans les objets retrouvés, qui marquent qu'on est très clairement dans l'aristocratie. Pour la noblesse, c'est beaucoup plus difficile à déterminer, puisque ce que j'appelle la noblesse, un peu comme Christophe Badel, en fait, qui a réfléchi à ces questions à Rennes en tant que professeur d'université, c'est la haute aristocratie, c'est-à-dire les personnes qui ont exercé des magistratures ou des commandements dans la cité. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il est impossible de les déterminer. Par contre, très rapidement, au IIe et Ier siècle, on a des signes qui affirment clairement qu'on est sur une résidence de la noblesse gauloise. Donc on a la progression en fait du site qui montre clairement que on est dans une personne, enfin dans une famille qui, dès le départ, se démarque du commun, mais qui très rapidement en fait prend une importance dans la cité. Vers 250, le site devient de plus en plus fortifié, une mise en défense peut-être pour parer d'éventuels troubles. Ou est-ce qu'on est toujours dans l'ostentatoire ? On n'est plus dans l'ostentatoire. La première, enfin la résidence monumentale avait quatre portes. Aux premières moitiés du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc entre -300 et -250, on a vraiment une fortification qui est marquée par deux phénomènes. La condamnation de trois des quatre portes qui mènent à la résidence. Donc on réduit les accès, on les condamne. Le doublement de l'enceinte qui protège la résidence, donc on est dans ce qu'on appelle la multivallation, il faut franchir deux remparts pour pénétrer dans la résidence, et avec des fossés qui atteignent 3,50 m de profondeur, 8 mètres d'ouverture. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme, dans le grès diaclasé, donc c'est vraiment un travail colossal, et ayant pelleté beaucoup sur ce chantier, je peux vous dire que jusqu'à la profondeur de 2,50 m, en fait, on peut pelleter assez facilement et évacuer la terre du fossé. Au-delà, il faut vraiment une chaîne opératoire avec des transports par panier, en fait, pour pouvoir évacuer les terres. C'est infiniment plus complexe. Et l'avant-cour elle-même, au lieu d'être protégée par un simple talus, donc toutes les dépendances, elle est protégée également par un fossé doublé d'un rempart. Et ce fossé peut atteindre 11 mètres de large, 4,50 mètres de profondeur. Donc on est vraiment dans des terrassements colossaux qui ne justifient que par une mise en défense. Trois générations plus tard, vers 175 avant notre ère, tout brûle. Une chance pour les archéologues ? Oui, une malchance pour le site. On saura jamais si c'était un enfant qui jouait avec des allumettes ou bien si c'est un fait guerrier. Les traces de la guerre, en fait, ou de conflits sur les sites sont parfois très difficiles à trouver, surtout qu'on fouille à 40 cm sous les sols de l'époque. Toujours est-il qu'effectivement, ça a engendré un incendie des constructions. La quasi-totalité des constructions de la résidence, on le sait parce qu'on a fait la répartition grâce à Thierry Laureau, en fait, par système d'information géographique, de tous les fragments de torchis brûlés, en fait, qui témoignaient de l'incendie des constructions. Donc, on sait que toute la résidence a brûlé, y compris, et les deux portes de l'avant-cour. Et effectivement, ça nous fait une sorte de flash dans la vie de l'habitat. Les catastrophes type Pompéi sont très intéressantes pour les archéologues. Donc, en fait, il y a eu un nettoyage du site qui a amené à combler pas mal de fossés avec beaucoup de matériaux incendiés, donc énormément de mobilier. La moitié du mobilier du site vient de cet événement-là. de cette époque. Ce que l'on voit après 150 avant notre ère, c'est tout simplement la naissance d'une agglomération, donc une sorte de regroupement. Oui, tout à fait. Alors, suite à cet incendie, l'habitat s'est étendu en créant une enceinte de 10 hectares et en rejetant en fait des dépendances monumentales dans cette nouvelle enceinte de 10 hectares. Deux sont des entrepôts manifestes, donc des stockages de grains en abondance, et des entrepôts monumentaux, avec très peu d'équivalents connus en Gaule. Et un autre édifice était très original à l'époque où nous l'avons trouvé. C'était un édifice organisé autour d'une tour, trois corps de bâtiments encadrant une cour centrale. Et depuis, d'autres édifices du même type ont été retrouvés. Et une aile de cet édifice, en fait, avait des drains pour drainer le purin. Donc c'est un édifice qui abritait des grands animaux, peut-être une écurie. Très rapidement, cette agglomération, en fait, voit se construire de nombreuses maisons, des personnes s'installent dans cette grande enceinte, dans cette fortification, à l'abri du rempart. Et donc, on assiste à la naissance d'une bourgade, en fait, dès la deuxième moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ, au pied de la résidence. De quoi ces notables tirent-ils leur richesse? Agriculture, élevage, ou tout au contraire, le commerce? En tout cas, ils font du stock, ça on le sait, ils ont des souterrains, des greniers. Alors, dès le départ, en fait, au début du site, c'est forcément l'agriculture et l'élevage, puisque effectivement, l'essentiel de la richesse est agricole. Visiblement, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les choses changent, puisque le statut social s'affirme, le contrôle des voies s'affirme. On est peut-être là dans la naissance des pagis ou des cités, et donc d'autres ressources financières viennent abonder. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, il est clair que l'essentiel des enjeux ne relève plus de l'agriculture et de l'élevage. C'est très vraisemblablement en fait la puissance politique du site, des droits peut-être de péage liés à l'entretien des voies qui ont lieu, et également très vraisemblablement l'exploitation de mines d'or à proximité. Yves Ménez, c'est à cette époque, dans les phases terminales donc de la résidence, que cette résidence livre au fond d'un puits un ensemble exceptionnel, une sorte de machine de pompage l'eau, à pompage. Oui, alors on a fouillé un puits qui n'est pas banal, 18,30 m de profondeur, dans le grès armoricain très très costaud. Donc sous les 2 mètres d'altération de la roche, en fait, il était resté complètement intact depuis l'âge du fer. À 18 mètres, on voit pas très très clair. Donc, non, mais la vérité sort du puits. Oui. Il a fallu des conditions de sécurité drastiques pour pouvoir le fouiller, des conditions d'éclairage, de ventilation importantes également. Quand on commence un puits, on ne sait jamais ce qu'on va trouver au fond. Donc ça a été du remblai quasiment jusqu'au fond, avec très très peu de mobilier. Et par contre, en fait, au fond, on a eu la chance de trouver dans les derniers 30 cm du puits 57 objets en chaîne conservés dans l'eau, qui manifestement, en fait, provenaient d'un seul et unique ensemble. Tout était en chaîne, tout était de la même facture. Une machine. Et les restes d'une machine. Donc on avait un seau, 6 chevilles, 16 baguettes, 7 fragments de barre. Et ça a permis de restituer, en fait, en hypothèse de restitution qui a pris beaucoup de temps, avec l'aide de Sophie Quadic et Anne Dietrich, mais en étudiant toutes les traces d'usure, en étudiant toutes les dimensions, en étudiant toutes les traces de compression, en fait, on a pu restituer un dispositif très étonnant avec une longue perche qui, par l'intermédiaire d'une bielle, actionnait un volant qui entraînait une roue sur laquelle venait s'enrouler la corde. C'est la plus ancienne bielle connue au monde. Paul est aussi connu pour son exceptionnel statuaire celtique, 4 sculptures extraordinaires. À l'époque, c'était exceptionnel. Je dirais pas que ça va devenir courant, mais presque, puisque vous avez évoqué, il n'y a pas si longtemps, les découvertes de Trémuson. Oui. Mais c'est vrai que 4 sculptures, c'était étonnant. 4 sculptures dans des niveaux parfaitement datés qui ont permis d'identifier, en fait, une trentaine d'œuvres semblables connues actuellement en Gaule. Donc, essentiellement en Gaule celtique. C'est-à-dire que toutes ces œuvres-là, depuis la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, en fait, sont cantonnées quasiment entre la Seine et la Marne au nord et la Garonne au sud. Donc, on est dans la Gaule celtique telle qu'elle est décrite par César. Et sur ces 30 sculptures, 13 sont connues en Bretagne. Donc 4 à Pôle, 4 à Trémuson. Et parmi les 4, vous avez un barde. Ça, c'est extraordinaire. Oui, déjà, il a fallu démontrer que ces sculptures n'étaient pas des sculptures divines, de divinité, mais des sculptures très vraisemblablement d'ancêtres. Et effectivement, une porte les attributs d'un barde, c'est-à-dire en fait, elle tient une lyre. Avec laquelle s'accompagnaient les bardes. Donc c'est jamais qu'un attribut qui signe son statut. Les bardes dépendaient de la classe des druides. Oui, et Socrate. Oui, et c'était en fait le garant de la mémoire, en fait, des lignées, des faits. dans la société gauloise. Pour vous, vous voyez trois objets de mémoire sur votre site, c'est bien ça ? Oui, alors là c'est pour, on rentre dans les témoignages de la noblesse. En fait, la noblesse, qu'est-ce que c'est ? C'est une mémoire exacerbée, donc qui transcende, on se souvient tous de nos parents, de nos grands-parents, au mieux de nos arrière-grands-parents. La noblesse investit dans une mémoire sur des générations, sur des siècles et des siècles. Et en fait, il faut des outils pour cette mémoire. Donc les premiers outils sont certainement l'investissement dans deux nécropoles familiales. On a deux nécropoles associées aussi deux pôles pour la première phase, donc entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, deux enclos carrés. Ensuite, les morts disparaissent, comme partout en Bretagne. Alors, soit on arrête de mourir, ce qui est peu vraisemblable, et autrement, les archéologues aimeraient bien le comprendre, soit plus vraisemblablement, en fait, on adopte des rites funéraires qui font qu'on ne trouve plus les corps. Les corps ne sont plus inhumés, et s'ils sont incinérés, peut-être que les cendres sont dispersées, mais on n'a plus aucun témoignage en Bretagne de morts à cette époque-là. Donc les morts disparaissent totalement, peut-être pas tout à fait, si les bustes d'ancêtres sont effectivement la mémoire conservée dans l'habitat en fait de quatre personnages importants de la lignée. Et ensuite, surtout, à l'abandon du site, en fait, on a un lieu de culte qui est créé, qui pérennise encore pour des siècles cette mémoire familiale. Ismenez, vous avez aussi un objet en or qui pourrait être originaire d'Asie mineure ? Un petit pendant. Alors, c'est pas gros, hein, mais non, c'est pas gros. C'est alors, très lointain. Le site a produit en fait des boutons d'or, donc a une activité de concentration des paillettes d'or pour faire le métal or et pouvoir créer des lingots. Et en fait, on a eu un tout petit pendant en or, soit de colliers, de boucles d'oreilles ou d'autres objets qui n'avaient pas du tout la facture gauloise. L'analyse a été faite par l'IRAMAT et par Bernard Gratuse et ça a montré que c'était un or d'origine de Méditerranée orientale, chargé en platine. Donc c'est l'ultime trace d'un objet parure importé sur le site qui est tout à fait étonnant. Ça peut être un souvenir d'un mercenaire qui a été là-bas ou qui a été combattre là-bas en tant que mercenaire. Vous avez des objets visiblement exotiques, vous avez de la vaisselle romaine, vous avez des bracelets aussi qui sont très lointains. Oui, on a alors on a effectivement des petits fragments de verre au natron provenant donc qui ont été étudiés par Bernard Gratuse, qui le matériau a été importé. Par contre, après c'était pour fabriquer des tout petits objets sur le site, peu vraisemblablement. Puisqu'on n'a que deux résidus de verre de ce type-là. Et on a également en fait les témoignages de vaisselle italique pour le 1er siècle avant Jésus-Christ qui montrent en fait le service du vin. Donc en fait, ces personnes ont apporté des récipients, dont un luxueux, en fait, pour le service du vin sur le site dans le cadre de banquets. De l'or, vous en avez aussi, et de l'or local. On produit de l'or sur ce site ? Alors on produit des petits boutons d'or à partir de paillettes. Alors paillettes issues d'orpaillage, ou plus vraisemblablement, ça sont les recherches faites par le LIDAR qui l'ont montré, d'importantes mines connues à proximité immédiate, donc à quelques kilomètres du site de Pôle, en fait, il y a des mines importantes, et les recherches du BRGM ont montré qu'il y avait de teneurs en or assez importantes dans le secteur. Ismenez, aujourd'hui, comment s'intègre cette résidence dans le paysage de l'Europe celtique entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère ? C'est un cas encore très particulier, cas unique, pas tout à fait. Alors par son statut, c'est un cas unique. Il livre à peu près tous les signes d'une résidence de l'aristocratie des plus hauts niveaux, donc de la noblesse gauloise. Par contre, il peut signer en fait d'autres sites un peu partout sur tout le nord de la Gaule, peut-être l'Allemagne, la Tchéquie, voire en Grande-Bretagne. Ismenez, merci beaucoup. À lire donc cet énorme ouvrage, une résidence de la noblesse gauloise, le camp de Saint-Symphorien à Pôle, qui vient de paraître aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Félix Delacour, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. France Culture, l'esprit d'ouverture. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter, la vie avant tout. 40 ans après l'abolition de la peine de mort, France 3 et France Culture proposent une programmation spéciale. Lundi 13 septembre à 21h05 sur France 3, un documentaire inédit sur le long combat intime et politique d'un homme pour défendre une réforme qui restera dans l'histoire. Et sur franceculture.fr et l'application Radio France, réécoutez le réalisateur du documentaire Romain Icard, invité du cours de l'histoire. La semaine prochaine, Carbone 14 plongera dans le mystère de la Dame de Berlin. 20h sur France Culture, il est temps de retrouver Aurélie Charron et Tous en scène. On va parler d'une pièce de Leonora Miano où on entre dans le fort intérieur d'un personnage. Si on entrait dans votre fort intérieur, là maintenant, Smaïl Kanouté, on entend quelle voix, quelle pensée ? On entend la voix de quelqu'un qui se sent ancré dans le présent et qui a une bonne énergie et qu'il a envie de partager et diffuser à travers ses rencontres. Il y a des voix différentes qui traversent ? Il y en a pas mal. Il y a des voix fatiguées, des voix joyeuses, des voix tristes. Là, j'ai plutôt la voix d'un combattant. D'un combattant qui a envie d'aller là où il a envie d'aller et de réussir à construire ses œuvres et ses créations pour les partager. Ouais. Odile Sankara, vous êtes à Ouagadougou. Est-ce que si on entre dans votre fort intérieur, on entend des voix et des pensées en ce moment ? Oui, on entend beaucoup de voix, des pensées assez fortes, très fortes j'allais dire, de femmes africaines qui essaient de prendre en charge le quotidien et de rester dans la beauté et dans la luminosité et pour le futur. Et il y a quoi comme phrase, par exemple, que peuvent dire ces femmes ? C'est par exemple la terre comme la maison doit revenir aux femmes. Et nos traditions l'avaient bien compris. Et donc, si on donne la place, en tout cas à la femme, que la femme conquiert aussi l'espace sociétal, politique, le visage du continent changera. On va un peu rester dans nos forts intérieurs pour leur avenir. Il est 20h sur France Culture et nous n'avons plus de temps à perdre. Ce sont les mots de Leonora Miano, la pièce